France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 121. Bienvenue à toi, dans ce monde archiloufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 18 mai 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es éphémère mais antédiluvien. Tu es lépidoptère ou coléoptère, tu es minuscule mandibule, tu es taille de guêpe ou bête à bon Dieu, tu es Zobie la mouche et tu es aussi... Contre les... il y a bégon jaune et contre les... il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, les deux font la paire. Oui, tu l'as bien compris l'ami, ce matin, tu as des fourmis dans les jambes, tu es un insecte. Alors, mardi dernier, l'opposition a cru faire mouche à l'Assemblée nationale et a pensé repousser le projet de loi sur les OGM. Bonne nouvelle pour les abeilles et cafard pour l'Élysée. Mais pas pour longtemps, puisqu'en effet, après s'être fait secouer les puces et par un tour de passe-passe institutionnel, les députés UMP devraient finalement voter ce projet de loi à la fin du mois. Eh bien, pour mieux comprendre ce microcosmos politique, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine, durant 53 minutes, de se faire entomologiste et d'observer à la loupe les mœurs de nos amis les insectes. Et pour commencer cette exploration scientifique des antennes à l'abdomen, il faudra revenir sur la cohabitation millénaire des hommes et des insectes. Ensuite, durant quelques minutes, nous t'offrirons un aperçu de la richesse des mœurs de ces micro-bestioles. Et dans la foulée, justement, une petite perle de l'ORTF, millésime 1949, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Et puis, nous partirons à la découverte de ces insectes extraordinaires qui nous gouvernent ou qui cherchent à le faire. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude lors d'un sympathique pique-nique dimanche dernier à Grosboule-les-Bains où les mandibules pullulent sous le soleil de mai. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sors de ton cocon. Like I knew you would. Like I knew you would. We're taking it up, baby. C'était Twist and Shout, autrement dit secoue-toi et crie. C'est ce que nous conseillaient en 1963 les quatre scarabées de Liverpool, parce que face à l'attaque d'un essaim d'abeilles, tu as le fuyard, mais tu as aussi... T'as aussi l'ami des bêtes. Faut pas bouger, si tu bouges pas, elle te pique pas. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à ces petits invertébrés, formés d'une tête avec des antennes, d'un thorax avec trois paires de pattes et d'un abdomen, à savoir nos compagnons les insectes. Bien sûr, il est difficile de se départir des préjugés négatifs sur ces petites bestioles qui véhiculent nos craintes et nos phobies. Et à juste titre parfois, puisque certains insectes peuvent causer d'immenses dégâts. Le phylloxéra a laissé de bien mauvais souvenirs à nos vignerons. Les nuages de criquets ravagent les récoltes en Afrique et le Xenopsylla keopis, autrement dit la puce du rat, est responsable des épidémies de peste. Alors bien sûr, l'arrivée d'un insecte peut créer la panique. La panique règne dans le petit village de Raville dans la Moselle. Expliquez-nous, Pierre Rosy. En quelques heures, et répondant semble-t-il à un mystérieux signal, des milliers de puces précipitèrent par bonds désordonnés sur les malheureux habitants. Les gendarmes furent aussitôt appelés à la rescousse, mais à peine l'enquête avait-elle commencé pour savoir d'où venaient ces puces, que le brigadier se mit à danser un twist endiablé. Le pauvre homme était littéralement dévoré par ces piquantes bestioles. Un quart d'heure après, on voyait monsieur le curé sortir de l'église en poussant des cris. Lui aussi avait été assailli par les petits fauves en voulant sonner le tocsin. Mais la situation est beaucoup moins drôle que vous le pensez, puisque l'école et la mairie ont été fermées et que les chiens ont été mis en quarantaine, car sur un seul de ces malheureux animaux, on a pu compter 1483 puces. Il faut bien savoir d'ailleurs qui les a comptées. Bref, les puces ont mauvaise presse, puisqu'elles transmettent des maladies et sucent le sang. Pourtant, tous les insectes n'ont pas à supporter cette lourde réputation. Par exemple, les abeilles sont des bestioles qui ont la cote, à tel point que Napoléon en fit le symbole de son empire. Certains disent que ce choix provient des abeilles d'or, découvertes dans le tombeau du roi mérovingien Childéric Ier, ce qui fait de cet insecte l'un des plus anciens emblèmes de la monarchie française. Alors qu'en réalité, les motivations de Napoléon étaient bien moins subtiles. Ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Zzz, zzz, zzz, les abeilles. Eh bien, pourquoi cet engouement pour les abeilles? Peut-être tout simplement parce que les insectes sont beaucoup mieux connus à partir du XVIIIe siècle grâce aux travaux des entomologistes français œuvrant dans le Muséum d'Histoire Naturelle. Ainsi, des savants comme Buffon ou encore Réaumur classent les bestioles et mettent un peu d'ordre dans le règne animal. La science avance. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Eh oui, les questions sont nombreuses face à la diversité des insectes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, près d'un million d'espèces ont été identifiées, alors qu'il en existerait des dizaines de millions. Une tâche énorme pour les entomologistes du Muséum d'Histoire Naturelle qui se tuent littéralement au travail. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Ah, qu'il est con. La bouche qui pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. Oui, bon, parfois, il faut bien se détendre un peu quand on est entomologiste, parce que vivre en compagnie des insectes peut être très stressant. D'ailleurs, Dans nos civilisations aseptisées, l'insecte a disparu. Et elles sont devenues bien rares, ces braves punaises de lit, ces gentilles puces de corps et toutes ces bestioles qui ont accompagné nos ancêtres. J'ai des locataires, j'ai des chambres à la journée, petit déjeuner, café, relais, service compris et taxes sans plus, j'ai des puces. J'ai des locataires, ventilateur au plafond, cosy, corner, matelas crevé, dessus de lit en pelouse debout. Eh oui, il n'y a pas si longtemps, toutes ces petites bébêtes ont été le quotidien des humains, et elles le restent encore aujourd'hui pour certains contemporains. Et c'est peut-être dans les tranchées, durant la Première Guerre mondiale, que les bestioles ont été les plus proches des poilus. Quoique, pendant la Seconde Guerre, ce n'était pas mal non plus. C'était couru d'avance, le criquet est devenu l'objet fétiche de la Normandie du 50e anniversaire du débarquement. D'abord, il n'est pas encombrant, deux petites plaques d'acier et de laiton, 10 cm, ça tient dans la poche. Puis c'est pas cher, 15 à 35 francs selon les endroits. Et surtout, ce criquet symbolise parfaitement la mythologie de la victoire, de la subtilité et du bluff des alliés sur la force allemande. Le criquet, c'est en effet l'idée géniale d'un général américain. Tous les soldats en avaient un, il leur permettait de distinguer l'ami de l'ennemi la nuit dans le bocage normand. Personne ici ne l'a oublié. Eh oui, personne n'a oublié le glorieux criquet du D-Day utilisé par les soldats ricains. Il faut dire qu'aux States, on est spécialiste de l'utilisation symbolique des insectes, comme te l'expliquait Michael Moore dans son film Bowling for Columbine. Et ces abeilles tueuses qui devaient attaquer le pays ? Il est presque certain qu'elles arriveront cette année. Les abeilles africanisées envahiront le Texas avant d'atteindre l'Arizona d'ici 2 à 3 ans. Elles viennent d'Afrique. Le docteur Warwick Kerr les introduisit au Brésil en 1956 et les accoupla avec les abeilles européennes, celles qu'on connaît. Mais elles s'échappèrent et s'envolèrent vers les États-Unis. Il y a un truc que j'adore dans mon pays, c'est que vous soyez tueur psychopathe ou candidat à la présidence des États-Unis, il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c'est la peur que l'Amérique blanche a de l'homme noir. On en a entendu parler à la télé et dans la presse. Elles ont tué des gens. Ce sont les abeilles tueuses, connues sous le nom d'abeilles africanisées. Cette abeille tueuse est hyper agressive. Elles vous suivent sur plus d'un kilomètre. Elles sont jamais venues, ces abeilles. Cette sinistre abeille tueuse, à la triste renommée, est aussi crédible que l'attaque espagnole contre le cuirassé Le Maine, inventé en 1898, ou que les armes de destruction massive en Irak. Et oui, les insectes servent parfois à mentir et à détourner l'attention, tout comme les faux grains de beauté des marquises de l'ancien temps. Je suis une mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme ce joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers sur ses lèvres. D'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi, je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi, je m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Posée sur sa bouche, je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi, il ne reste qu'un point sur un tableau. Comme le ciel est loin sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des femmes, moi je n'étais pas méfié. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. La mouche, ce fut le diptère préféré de Michel Polnareff en 1972. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec sa grosse paire de lunettes, Polnareff était déjà en pleine mutation. Je veux devenir quelque chose qui n'a jamais existé. Si je devenais une mouche de 80 kilos... Alors maintenant, après avoir décortiqué l'histoire des relations entre les humains et les insectes, il est temps désormais d'essayer de te faire découvrir la richesse des mœurs de ces micro-bestioles. Oui, car depuis trop longtemps déjà, notre vision de l'insecte se résume à ça. Par cette chaude soirée d'été, un homme insouciant prend l'air sur sa terrasse. Ouais, je suis insouciant sur ma terrasse. Dans la torpeur moite du jardin, on entend monter toute proche la mélopée du moustique. On va lui piquer les pieds, on va lui piquer le nez, on va le bouffer. Qu'est-ce que c'est? Ça sent la citronnelle. Mais c'est raide. Raide. Fuyon. Trop tard. Raid à la citronnelle, tu raides tous les insectes. Sais-tu qu'en 1752, Voltaire publia Micro-Méga, un conte philosophique où le personnage principal était un géant extraterrestre doté d'une grande intelligence et qui échoua sur notre planète. Le géant Micro-Méga, curieux voyageur interstellaire, découvrit alors les humains grâce aux diamants éparpillés de son collier cassé qui firent office de loupe. Immédiatement, le facétieux géant posa un authentique regard d'entomologiste sur ces hommes qu'il comparait à des insectes conscients. Car avant de juger sévèrement notre monde microscopique, le géant décida de se faire une idée aussi juste et lucide que possible de la vie sur Terre. En réalité, Voltaire nous offrit un magnifique traité sur la notion philosophique de relativité, autrement dit, tout est question d'échelle. Eh bien, durant quelques minutes, reprenons à notre compte ce procédé voltairien et scrutons méticuleusement du haut de notre immensité le fabuleux microcosme de nos insectes. Par exemple, tu vas sans doute l'entendre fréquemment dans les chaudes nuits de l'été qui s'annoncent, mais sais-tu réellement ce que signifie ceci ? Et quelle est la signification de ce signal qui est parfaitement net? C'est le chant de l'écanthus qui s'entend au début de la nuit pendant tout l'été. Il correspond au chant d'appel sexuel du mâle. Il émet sa stridulation à intervalles réguliers et il signale ainsi aux femelles du voisinage sa position et surtout son état génital. Si certaines sont réceptives, guidées par le signal, elles pourront le rejoindre. Et voilà comment on découvre que le doux et nocturne chant du grillon n'est rien d'autre en réalité que l'équivalent des pratiques grossières d'un dragueur à l'italienne, siffleur de gazelle de Saint-Tropez à la sortie du papagayo. Cruelle désillusion. Dans le même registre, que dire de la cigale? Depuis notre plus jeune âge, chaque année, une fois la bise revenue, nous considérons la cigale comme une victime malheureuse de l'égoïsme de la foutue fourmi. Certes, mais connais-tu la suite de la fable au printemps suivant? Une fourmi. Oh, oh, une petite fourmi. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce hall de gare? Tu vas où? Hein? Oh, mais comme elle est gentille, cette petite fourmi. Oh, mais comme elle est gentille, cette petite fourmi. Tu vas où? Hein? Tu vas à l'école. Oui, la rancune n'est pas étrangère à l'univers des insectes et notre amie la cigale s'est transformée en psychopathe névrotique qui a fini par buter la fourmi. Résultat, effrayées par l'assassinat de la plus célèbre d'entre elles, les fourmis ont alors mis en place leur propre milice paramilitaire. Voilà des fourmis qui sont capables, elles l'ont fait, de dévorer un cheval tout vivant. On les appelle fourmis légionnaires ou fourmis militaires. Appelons-les légionnaires, c'est plus commode. Ce sont des fourmis considérables, hein. 2,5 cm de long. Et des fourmis bizarres. Songez que les mâles ressemblent tellement à des guêpes qu'il a fallu des années pour qu'on s'aperçoive que c'était tout simplement des mâles de légionnaires. Et tenez, pour nous débarrasser de ces gens-là, de ces mâles, sachez qu'au lieu de mourir honnêtement après qu'ils ont engrossé la reine, comme les autres mâles de fourmis, ces mâles-là passent leur temps à aller d'une bande à l'autre de fourmis légionnaires pour trouver d'autres reines à engrosser. Je ne sais pas s'ils sentent bon le sable chaud, ces légionnaires-là, mais ils sont drôles de gens, avec des yeux énormes, des mandibules en faucille et des organes à faire rêver les petites fourmis. Malheureusement, là encore, y compris chez les insectes, un légionnaire reste un légionnaire. Il paraît d'ailleurs qu'à Strasbourg, dans un jardin public, quelques fourmis légionnaires excitées ont essayé l'été dernier de casser la gueule à une cigale qui interprétait une version reggae de l'hymne national du peuple de l'herbe. Les tensions intercommunautaires entre ces deux espèces sont excessivement tendues. Que dire ensuite des mœurs sexuelles des bonnes sœurs chez les insectes? Alors là, cet insecte est connu dans le monde des biologistes et même d'une façon plus large par une caractéristique de sa vie sexuelle. C'est qu'elle dévore le mâle pendant la copulation, c'est-à-dire qu'elle joint la volupté sexuelle à la gourmandise ou à la voracité. On fait peur aux garçons, ça nous étonne, mais c'est comme ça. Et cet animal, même si on ne connaît pas ce détail très particulier de ses mœurs, a toujours donné lieu à un folklore très abondant. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y avait, dans la mythologie, des mythes qu'il n'avait pas comme centre, la menthe religieuse, mais qui étaient des mythes, disons, de femmes fatales, dont le vagin était denté, par exemple, et coupait l'organe masculin, ou était empoisonné. On fait peur aux garçons, ça nous étonne, mais c'est comme ça. Ainsi, tel le géant Micromégas de Voltaire, qui fut au final effrayé et déçu par ces bestioles humaines microscopiques, parce qu'imbues d'elles-mêmes, il faut fuir à notre tour au plus vite nos insectes à mandibules. Encore que, contrairement aux géants voltairiens, c'est parfois difficile pour nous de leur échapper car certains d'entre eux s'accrochent. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Je suis Morbac le morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Alors, si nous ne pouvons échapper totalement aux insectes, le mieux sans doute, c'est d'essayer de mettre à profit leur présence parmi nous. Et figure-toi que nous avons découvert cette semaine dans les sous-sols de l'INA qu'en 1949, deux entomologistes ont eu l'idée de mettre en scène des insectes afin de se lancer dans une industrie cinématographique d'avant-garde pour l'époque, une expérience scientifique dont s'est inspiré par la suite le légendaire producteur Marc Dorcel. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Cet appareil que je vois là, monsieur, c'est un appareil à fécondation artificielle pour les abeilles. Et voyons, je vois là un tube de verre. Voulez-vous m'expliquer sa destination? Eh bien, ce tube n'est pas en verre, mais en plexiglas. Nous y introduisons la reine. Et après l'avoir introduite, nous faisons circuler un courant de gaz carbonique qui l'anesthésie. En somme, l'opération se fait sans douleur. C'est cela, sous anesthésie continue. L'extrémité de l'abdomen de la reine sort par l'extrémité du tube. Et alors les deux aiguilles effilées que je vois là, dont l'une est d'ailleurs d'une forme très simple et l'autre forme une espèce de cercle au bout, à quoi servent-elles? Elles servent à écarter les valves génitales de la reine de façon à découvrir l'orifice génital par où nous introduisons la seringue que vous voyez un peu plus haut. Cette seringue est munie d'un piston à vis qui permet d'aspirer le sperme du mâle après l'avoir fait éjaculer. Comme vous le voyez, l'opération que je pratique en ce moment sous vos yeux est très simple. Pour faire éjaculer le mâle, on lui arrache d'abord la tête. Une partie de l'éjaculation se produit, et pour la parachever, il nécessaire d'appuyer sur le pourquoi l'abdomen. Lui arrachez-vous la tête? Il a été remarqué que c'était la méthode la plus rapide d'obtenir l'éjaculation à volonté. Méthode barbare et pas naturelle, mais enfin efficace. Lorsque le mâle est parfaitement mûr, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'arracher la tête. Il suffit de le tenir quelques minutes entre les doigts pour que l'éjaculation se produise d'elle-même. Enfin, l'éjaculation se produit, je la vois sous mes yeux. La quantité de liquide est imposante. Cette gouttelette blanche que vous voyez, c'est le sperme. Je l'aspire avec l'extrémité de cette seringue. Il me suffit ensuite, dès que les valves ont été écartées par les aiguilles dont nous parlions tout à l'heure, d'introduire l'extrémité de la seringue dans les voies génitales de la femelle. C'est une opération assez facile pour quelqu'un qui est assez exercé demande, comme elle vous. Demande pas mal de pratique. Elle demande pas mal de pratique, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une opération chirurgicale délicate. Non, non, ce n'est pas délicat. Les Américains ont d'ailleurs formé des spécialistes commerciaux, en quelque sorte, qui vont de rucher en rucher pour effectuer l'opération à la demande des apiculteurs. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión pa' gritarles a la FIFA que yo soy. La Bida Tombola, c'est Manu Chao qui voudrait être Maradona et qui nous offre ici la bande originale du prochain film d'Emir Kusturica, justement dédié au dieu Diego et présenté cette semaine au Festival de Cannes, cette fourmilière futile peuplée de cigales. C'est le chant de cour, émis lorsque la femelle arrive à très courte portée du mâle. Alors, pour poursuivre notre voyage en rampant ou à tire-d'aile dans le monde merveilleux des insectes, la panique au Mangin Palace va te présenter maintenant quelques spécimens très particuliers de ces invertébrés. Parce qu'il y a une semaine tout juste, dans son émission Vivement Dimanche, le gros hanneton Michel Drucker, sous couvert d'entomologie, examinait à la loupe un représentant révolutionnaire de l'ordre des hémiptères rouges à poids levé, à savoir le cigalon besancenot. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Et oui, il était bien exposé dimanche dernier, le cigalon besancenot, pour son tour de chant contre les fourmis capitalistes. Mais il n'était pas le seul ce jour-là à prôner la lutte pour instaurer un autre monde. En effet, à Presles, dans le Val d'Oise, se tenait la fête traditionnelle de lutte ouvrière, avec Arlette Laguillé, bien sûr. Dans un pays de tous les temps, Ainsi donc, la butineuse Arlette Laguiller, comme tous les insectes, s'est approchée de la lumière produite par l'ampoule des caméras. Mais beaucoup moins près qu'une autre bébête, membre éminent de l'immense fourmilière UMP, à qui l'on a demandé d'ailleurs de s'éloigner un peu des médias. Alors qu'en vrai, pour la fourmi Rachida Dati, son rêve profond, c'est d'être... Et en effet, à vouloir être trop papillon lorsqu'on est une petite fourmi, cela produit des moqueries au sein de la colonie, notamment provenant du taquin soldat en chef François Fillon, par exemple. La jolie petite libellule, pour étonner les oiseaux, fait son numéro de funambule et de roseau en roseau. Elle est là soudain qui papillonne, juste au-dessus du ruisseau. Elle se mire dans l'eau. Ça, maintenant tout le monde le sait. Il y a de sacrées libellules dans la fourmilière UMP. Cependant, chez les rivales ancestrales des fourmis, à savoir les termites socialistes bien sûr, on trouve également, aux côtés des ouvrières militantes, quelques spécimens Ségolène sensationnels. Pourquoi vous accrochez-vous à moi? Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais c'est vous qui êtes venu draguer chez les ouvriers. Vous vouliez pimenter votre vie, hein, et vous avez fini par trouver ce que vous cherchez, hein, l'ouvrier aux mains calleuses, le terrien, hein, le sensuel, l'ouvrier, quoi. Permettez, j'étais venu m'encanailler. Vous n'avez pas compris? Je vous ai choisi parce que vous étiez l'insecte le plus minable de tout le bar. Vous savez, j'avais l'intention de vous faire partager mes fantasmes érotiques les plus débridés. Eh bien, maintenant c'est fini, ça. Alors là, vous pouvez faire une croix dessus. Faire une croix dessus, ce n'est pas dans les projets de Ségolène, qui espère devenir bientôt la reine de la termitière de Solferino en pleine reconstruction. En quelques mois, une forteresse de terre mastiquée se dresse impériale au milieu de la plaine humide. Une citadelle impénétrable, défendue par des soldats aux têtes monstrueuses, armés de redoutables mandibules. À l'intérieur, d'immenses cheminées plongent dans les profondeurs d'un monde dont aucun habitant ne connaît le plan. L'air qui y pénètre se refroidit ou se réchauffe afin de maintenir une température et une humidité constantes. Un dédale de chambres, de galeries, de couloirs, tous gardés par des sentinelles. Mais les sentinelles seront-elles assez puissantes pour éviter que la termitière n'implose? Parce que, chez les termites socialistes, la lutte pour prendre la tête de la colonie risque d'être tout aussi féroce que celle qui a opposé l'année dernière dans la Maison Verte Dominique Voynet à Yves Cochet. Une puce, un pou, assis sur un tabouret, jouer au cas, la puce perdait, la puce en colère, attrape pas le fou, le jeu tape par terre. Un crime, c'est également ce qu'a connu un autre insecte issu d'une espèce en voie de disparition, le faux bourdon palois François Bayrou, un peu seul en ce moment. Peut-être que je pense trop, Alphonse. Je pense que tout ça doit remonter au fait que j'ai eu une enfance très angoissée. Vous savez, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, ben, on s'intéresse pratiquement pas à vous, hein, tout le monde s'en fout. Puis j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Mon père était, au fond, c'était un faux bourdon, comme je vous l'ai dit. En fait, il s'est envolé quand j'étais encore qu'une larve. Enfin, en plus, c'est mon travail. Non, non, c'est pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas fait pour être ouvrier, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Je me sens physiquement inadéquat. Pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, c'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. Oui, bon, pour la mini-ruche du modem, les perspectives d'avenir sont un peu floues. Et il va y avoir du boulot pour reconstituer l'essaim. D'autant plus que les fourmis de l'UMP sont toujours prêtes à mettre hors de nuire leurs rivaux, et principalement les termites socialistes. Nous venons d'apprendre que l'ennemi termite avait mobilisé son armée contre nous. Contre nous ? Il faut envoyer des troupes en plein territoire hostile pour attaquer leur colonie. Attaquer une colonie termite, général ? C'est suicidaire. Exactement. Avez-vous la liste que j'ai demandée ? Oui, général. Il y a là toutes les unités fidèles à la reine. Ce sont donc celles que nous enverrons. Et les fourmis de l'UMP sont donc en ordre de marche. Derrière leur général, une petite bestiole très nerveuse, aux mandibules acérées. Toutes les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah, voyant les termites comme des prunes, hurrah, hurrah. Et ces termites, on va pas vraiment se battre contre eux, ils sont beaucoup plus faibles que nous. Pas vraiment, petit. Ils sont 5 fois plus gros que nous, et ils envoient des jets d'acide qui leur sortent du front. Fourmis marchent deux par deux, hurrah, hurrah. Mais nous serons morts avant peu, hurrah, hurrah. Les fourmis de l'UMP sont donc en marche, tout comme les lycéens d'ailleurs, qui ont manifesté cette semaine aux côtés des enseignants pour que l'on préserve leurs professeurs. Les mois de mai se suivent donc, mais ne se ressemblent pas. Et quand les lycéens marchent, ils ne regardent pas si sous leurs semelles il n'y aurait pas de petits insectes, des fourmis, qui pourrait alors connaître le solaire de la peur. Désormais solaire, beaucoup moins scolaire, moins à l'ouest, plus épais, plus physique. Désormais d'équerre, à l'endroit à l'envers, moins étroit, moins opaque, moins dyslexique. Désormais solaire, beaucoup moins scolaire, c'est sûr, plus épais. Désormais solaire, c'est le constat printanier de Daven Keller. Désormais solaire, c'est également l'anagramme de la célèbre expression estivale « Sois armé d'aérosol » contre les mouches qui foncent désormais comme des missiles solaires. J'aurai toujours plus de respect pour les enculeurs de mouches que pour les inventeurs de bombes à neutrons. Alors maintenant, afin de prolonger notre dissection in vivo de nos amis les insectes, il est grand temps à présent de retrouver nos deux curieuses bestioles ovipares, la libellule Monique et le frelon Jean-Claude. Avant tout, sache que dimanche dernier, à Grosboul-les-Bains, sous un soleil de mai magnifique, Monique et Jean-Claude ont organisé un sympathique pique-nique dans leur jardin fleuri en compagnie d'un couple d'amis, Charles et Claire-Sophie. Ainsi, Vers 12h30, dimanche midi, juste après la panique, Jean-Claude et Charles sont en cuisine afin de tartiner des toasts de tarama pour l'apéro. Quand soudain, Charles se détanise. Oh putain, il y a une guêpe. Où ça? Là, là, là, sur le mur, juste derrière. Et alors? Et alors, si elle me pique, je peux crever, je suis allergique. Comme Pierre Richard dans La Chèvre? Oui, ou plutôt comme Coluche dans Banzai. Tu vois? Bah là, elle bouge pas, on peut traverser peinard. Non, non, non, non, non, non, non, si elle nous voit bouger, elle va m'attaquer, c'est sûr. C'est vachement traître, une guêpe. Oh putain, attends. Bon, mets-toi là, je vais la faire dégager. D'accord, couvre-moi. Vas-y. Attention à toi, Jean-Claude. La loupe pas, la loupe pas. Vas-y, viens, attends, attends, attends. Elle te voit, là. Au même moment, pendant que nos deux lascars traquent la traître guêpe, Monique et Claire-Sophie profitent paisiblement du soleil sur la terrasse. Et, sans savoir qu'une guêpe rôde en cuisine, Monique disserte sur sa relation avec les insectes, surtout en ce printemps où les bestioles pullulent. Eh oui, j'ai la phobie des insectes, c'est absolument ridicule, mais ça a toujours été. Ça a toujours été, dès mon plus jeune âge, et ça pose des problèmes. Ouais. Encore récemment, là, je crois qu'il y a un an ou deux, je suis rentrée chez moi après avoir dîné avec des amis, et j'ai entendu un bruit sur mon palier. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un papillon de nuit, et le papillon de nuit, c'est quelque chose qui me terrifie encore plus peut-être qu'un autre insecte, qui était prisonnier là, dans un abat-jour. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'étais vraiment très mal. Ouais, je sais pas quoi, c'est terrible ça. Enfin, c'est ridicule, en même temps, c'est vraiment ce qu'on appelle la phobie, quoi. On ne peut pas raisonner ce truc-là. Claire-Sophie écoute avec une réelle empathie son amie Monique quant à cette redoutable phobie, sans se douter le moins du monde qu'en cuisine, Charles et Jean-Claude cherchent toujours désespérément à se débarrasser de cette fichue guêpe. Ta merde, attends, elle est partie. Putain, où est-ce que elle est passée à ça de ma ceinture, je peux te dire, elle aurait pris en pleine gueule. On serait là en train de lécher du miel sur les murs. Mais non, le miel c'est pour les abeilles, c'est une guêpe, Jean-Claude. En tout cas, si elle était pas énervée, c'est réussi maintenant. T'as vu comme elle fritillait des ailes, elle va m'attaquer, c'est sûr. Elle est où cette pute là? Attends, elle veut jouer avec moi, j'ai employé gros moyens. Où tu vas, Jean-Claude, me laisse pas. Elle va attaquer, Jean-Claude. Jean-Claude revient aussitôt et contre la guêpe. Décide en effet d'employer les grands moyens puisqu'il s'est confectionné un lance-flamme artisanal avec un briquet et la bombe anti-odeur des toilettes. Résultat, la guêpe est totalement carbonisée et Charles totalement soulagé. Quand tout à coup, nos deux chasseurs d'insectes entendent Monique dans le jardin. Ah ! Mon Dieu ! Maman ! La bébête ! Attention la bébête ! La vilaine bébête ! Attrapez la bébête ! Prenez bien garde à la bébête ! Réfugiée derrière la belle jardinière de géranium, Monique, effrayée, désigne alors à Jean-Claude ce qu'elle croit être un énorme bourdon qui butine sa salade niçoise. Mais le téméraire Jean-Claude s'esclave puisqu'il ne s'agit en réalité que d'une grosse mouche dont il marave la face d'un bon coup de torchon, tout en faisant remarquer à Monique que cette histoire de mouche n'est pas finie puisqu'ils vont passer à table. Après la mouche de David Cronenberg. Voici la mouche de David Cronenberg. Toujours très classe, le Jean-Claude en effet apprécie la bière quand il s'agit d'un pique-nique. D'ailleurs, vers 15h30, avec ce soleil de plomb, l'alcool vient casser la nuque du Jean-Claude qui préfère aller s'allonger pour une siesta partie. Seulement voilà, il y a un souci. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Oui, dans la piaule du Jean-Claude, c'est un moustique désormais qui s'est invité à cette journée de repos dominical. Après avoir cramé la guêpe et explosé la tronche de la mouche, Jean-Claude s'apprête donc à défoncer le mosquito. Ce moustique est un comique, ce qui exaspère Jean-Claude, le maître des lieux, qui, grisé par l'alcool, décide alors de s'adresser directement au moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonne à la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle, il en rugit. On se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Ainsi, après avoir triomphé d'une redoutable guêpe et d'une énorme mouche, le lion Jean-Claude doit s'avouer vaincu devant un moustique. Jean-Claude se souvient alors qu'entre ses ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. D'autant que ce minuscule insecte vient de le piquer à plusieurs reprises et Jean-Claude, ça le démange partout. Alors je gratte un petit peu, ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. Alors je gratte un petit peu, ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. Alors je gratte un petit peu. Boursouflé par les piqûres du moustique, Jean-Claude est méconnaissable à tel point que Monique est littéralement horrifiée. Et, devant l'ampleur de la situation, afin d'éviter une nuit blanche sous les assauts du mosquito, l'un et l'autre décident aussitôt d'agir ensemble contre ce nuisible nocturne. Aïe, sale bête! Tout petit, comme ça. Oh là là, les moustiques! Y'en a-t-il par là? Ou bien y'en a-t-il pas? Tout petit, comme ça. C'est fou ce que ça pique. En tapant comme ci. En tapant comme ça, on les écrasera. Attention, les voici. Les costauds, les moyens, les petits. Entendez-vous dans la campagne le bruit qu'ils font en s'approchant? Tous les moustiques et leurs compagnes vont s'abreuver de notre sang. Seulement voilà. La roublardise du moustique épuise Jean-Claude et Monique qui se déchirent les flancs et les voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, mais rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée où il y rencontre sa fin. Le mosquito aurait dû lui aussi se souvenir qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Fin de la fable. Cependant, dès le lendemain matin, à Grosboule-les-Bains, les insectes de Jean-Claude de La Fontaine étaient à nouveau d'actualité, puisqu'après avoir braillé toute la nuit suite à ses démangeaisons, Jean-Claude s'est vu refuser le petit déjeuner préparé par Monique. Dans une une secte, ça nourrit pas son insecte. Je n'ai rien à manger, c'est un drame. Drame, drame, drame, drame, la fourmi veut pas donner son miam. Miam. Hey, qu'est-ce que c'est qui grigne? Mamou, mamou, c'est les bronzes de Krishna. Nous connaissons les papiers nus. Et ne viens échanger les miams de l'esprit contre les miams du frigérateur. Allez nous faire foutre, nous saltimbranques. Oh, mais c'est nétique. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. Moi j'en ai ras les antennes, je vais déglinguer la fontaine. Ce macho qui n'aime pas les cicranes. La cicrane et la fourmi, une pépite de Pitéric en 1981, au moment même où François, le termite errant, accédait enfin au pouvoir et jouait les cigales à grands coups de relance. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration du microcosmos de la société des insectes. Des scarabées de Liverpool aux abeilles de Napoléon, de la termitière de Solferino à la moustiquaire de Grosboule, et de Buffon pas trop de pesticides à Buffon de la menthe religieuse, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et complètement fantaisiste de ce que peut être l'univers des minuscules bestioles à mandibules. Pour finir, on imagine que certains phobiques s'interrogent et cherchent à savoir pourquoi nous n'avons pas évoqué dans une émission consacrée aux insectes la redoutable épouvante que provoque la vue d'une araignée. Eh bien, tout simplement parce que l'araignée n'est pas un insecte, mais appartient à la classe des arachnides et qu'en plus, une mygale, ça peut rendre service. Spider-Man, l'araignée ! L'araignée, l'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival, toujours étouffe dans sa toile. C'était le jeune Noam, une véritable étoile d'araignée. Voilà, fin du 121e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi les insectes, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archiloufoque et total foutrac. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite des doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Frédéric Potry. Merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Merci aussi à Cyril Baer ainsi qu'à Victoire Fauche, nos deux stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et de retour en direct sur Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a des pupus, il y a des nénèzes, il y a des punaises dans le rôti de porc.